En attendant, nous avons la dernière chronique d'Anouk Janton, qui a été à la rencontre de Violeta Jambazova, qui s'occupe donc de tous les bénévoles du festival. Et voici. Violeta, bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es une nouvelle venue au Festival Archipel. Oui. C'est une grande première. Et tu es arrivée là parce que tu viens t'occuper des bénévoles. Exactement. J'ai accepté ce mandat qu'on m'a proposé de gérer les bénévoles. Et alors, qu'est-ce que ça te fait d'arriver à Archipel ? Et de découvrir toutes ces musiques innovantes, créatives, expérimentales, bizarroïdes. Alors en fait, je ne connaissais pas Archipel avant du tout, même en tant que public. J'en avais entendu parler par des amis, mais j'étais jamais venue, donc je ne connaissais absolument rien du festival. Et je le découvre en même temps que j'y travaille. Enfin, j'ai découvert l'équipe un peu avant. L'organisation du festival dans le bâtiment, et puis aussi ce qu'ils proposent évidemment, les pièces musicales. C'est un monde que je connais très peu aussi, puisque je ne suis pas musicienne moi-même. Et ce courant-là de musique expérimentale aussi, ben j'y suis très novice. Du coup, c'est une plongée dans un autre univers et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que j'y trouve. Ouais, il y a des choses qui t'interpellent, qui te rendent curieuse, qui te déroutent peut-être. Oui, je suis allée voir plusieurs choses, toujours dans un esprit complètement neuf, sans attente particulière. Et puis, j'ai été toujours agréablement surprise, moins déroutée que ce à quoi je m'attendais, j'avoue. Je pense que je ne suis pas allée voir non plus les choses les plus, les plus expérimentales et ou extrêmes dans leur genre. Ça, à part un peu des concours de circonstances, je n'ai pas vu. J'en ai entendu parler après. Mais tout ce que j'ai vu j'ai trouvé beau. J'ai pu suivre. Je ne me suis pas sentie complètement larguée. Et c'était des super découvertes. J'ai aussi entendu des trucs qui m'ont complètement scotchée. Comme quoi, par exemple, tu te souviens ou... Oui, j'ai entendu plusieurs pièces de Kaya Sariao. Et ça, j'ai trouvé exceptionnel. Il y avait une chanteuse, Barbara, qui était incroyable. Où je me suis aperçue au bout de 15 minutes que j'avais la bouche bée et que je ne bougeais plus. Et... toutes les pièces de cette série du week-end dernier étaient scotchantes. Il y a encore un volet ce soir, jeudi 18 avril, sur Sariao, mais pas que, je crois qu'il y a aussi d'autres œuvres. Je ne suis pas sûre que ce soit la même équipe. Il y a Barbara qui chante, mais les autres musiciens, je ne crois pas. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as été au salon d'écoute ? J'y suis allée pendant une répétition, mais je ne suis pas allée écouter un concert. Pas encore. Ouais, ça va se faire. Tu as prévu un petit créneau d'ici à la fin d'un festival ? Ah oui, c'est un must. Du coup, je suis allée guigner dans l'endroit pour voir autant l'installation sonore que l'installation du public, ouais, et visuelle. Et je me réjouis d'être dans une plongée de quelque chose dans le salon d'écoute. Et les installations sonores, tu as été un peu voir ? Oui, j'ai fait le tour de tout, aussi parce que ça rentre un peu dans les tâches bénévoles d'y jeter un œil. Ah oui. Ouais. Mais je suis allée voir pour moi aussi. Et puis ça, c'était peut-être... quelque chose de moins facile à appréhender au premier abord. Okay. Puisque il fallait rester un moment, prendre le temps d'écouter, sans être guidé là par personne, parce que c'est voilà, on y va tout seul. Mais j'ai réussi à apprécier aussi. Il y a quand même toujours la petite note explicative qui est à l'entrée. Je dis ça parce que j'ai fait un tour aussi hier. Et moi, j'aime bien, en tout cas, cette idée d'entrer quelque part, de s'immerger d'abord, d'essayer de capter ce qui se passe, si des fois on a envie de comprendre, des fois pas, de sentir, et puis ensuite ressortir et puis lire l'explicatif, dire « Ah oui, ok, alors soit ça va dans la direction de ce que j'avais pu appréhender ou comprendre, soit des fois c'est j'ai complètement, vraiment pas du tout intégré une part importante, mais je trouve ça marrant comme dans des musées plutôt d'art contemporain et que j'aime toujours bien lire après moi. Mm-hmm. Ou les feuilles de salle aussi, des fois j'aime bien lire après. Ouais, tout à fait. Je comprends ce que tu veux dire. Je pense que pour ça, j'aimerais bien retourner voir l'installation de Matteo Luti. Ah oui. Dans la salle des veillées. Ouais. Pour avoir la deuxième impression, un peu de, je sais pas, digérer après l'impression d'autres trucs. Ouais. Mais de réécouter ce qu'il propose et la boucle sonore. Peut-être un peu différemment que la première fois. Oui, mais peut-être dans sa totalité aussi. Oui. Ouais. Parce que souvent, au moment où on arrive, on peut, puisqu'il y a un silence, du coup, on n'a pas du tout la même perception que si on prend du départ. Alors après, je ne sais pas si lui, il l'a pensé comme étant une chose qui peut s'attraper au vol à n'importe quel moment de sa pièce, mais quand même, il y a une construction. Ouais. Il y a une forme. Donc, il y a Lise qui est en train de. Lise Barcas, qui est en train de s'armer de sa cornemuse pour la radio à l'extérieur. Et du coup, c'est super, parce qu'on le capte au vol. La porosité bien. D'archipel, les, différents espaces. Ah tiens, d'ailleurs, une autre question. Comment tu fais le choix de des concerts que tu vas voir? Alors, je sais que tu as des obligations, aussi des contraintes familiales. Donc, il y a peut-être une question des horaires, mais comment tu appréhendes une programmation qu'a priori tu ne connais pas? Et qu'est-ce qui fait que tu détermines ça plutôt qu'une autre? Est-ce que tu as pris le temps d'aller, j'allais dire te farcir, mais d'aller intégrer toute la programmation au préalable quand tu as intégré Archipel pour ce mandat de la coordination des bénévoles? J'ai fait un truc super. Je suis allée à la conférence de presse. Voilà, là j'ai découvert tout le programme étalé sous mes yeux. En même temps, c'était beaucoup parce qu'on a parlé de tous les projets, évidemment, j'ai pas pu tout retenir. Mais en même temps, j'ai eu un aperçu de presque tout ce qui était proposé, avec à chaque fois quand même la petite explication des programmateurs RIS. Du coup, ça c'était un premier aperçu dont j'ai oublié la moitié. Mais après, en retournant voir sur le site ou dans le programme, il y a des trucs qui me sont revenus. Du coup, je me suis dit, ah, si, ou ça. Mm-hmm. Ou alors, bêtement, sur la petite note de que c'était en lien avec des percussions, je me suis dit, ah, les percussions, ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie écouter. Il faut que j'aille écouter cette pièce. Mm-hmm. Ou plutôt, des fois, à l'inverse aussi, quelque chose de qui m'a paru trop incompréhensible et effrayant. Je me suis dit, bon, je veux plutôt pas voir ça. Est-ce que tu penses qu'au fur et à mesure de la plongée, des jours passants, ce qui te semblait vraiment incompréhensible et effrayant au préalable, tout à coup tu sens que, ta barre de mesure, elle est en train de bouger? Ouais, ouais, carrément. Et je sens que à travers les premiers jours du festival qui se sont déjà écoulés, mon regard sur le programme est complètement différent. Ouais. Les deux, trois noms que j'ai réussi à... Enfin, soit les personnes que j'ai rencontrées, soit les pièces que j'ai réussi à voir, ça m'a déjà donné une lecture sur le reste du programme. Et ça m'oriente sur la suite des choses que je vais aller voir, ou sur ce qui me plaît, pourrait me plaire, parce qu'en lien avec, par exemple, la cornemuse, que j'ai découvert avec Bridge Chamble, là il y a Lise Barcas qui en joue aussi, donc je me dis, ah chouette, j'ai adoré Bridge Chamble, est-ce que j'irai écouter aussi ce que propose Lise Barcas. Voilà, trop bien. Donc ça t'ouvre un champ des possibles. Ouais, et je m'y repère petit à petit. J'en suis toute réjouie. Merci Violette. Merci à toi, Anouk. Merci Anouk, merci Violetta. Eh ben, Antoine, est-ce que tu veux annoncer la suite du programme? Sinon, il n'y a que moi qui parle. Non, je peux annoncer la suite du programme. Oui, merci beaucoup Anouk de nous avoir fait découvrir ces différents aspects du festival. Des bénévoles qui parlent d'installations, des bénévoles qui font visiter les installations, des installations qui se visitent elles-mêmes et qui parlent d'elles-mêmes. Et de là, on enchaîne un peu naturellement, parce qu'on a une sorte d'art de l'enchaînement à Radio Zine. On passe au petit reportage que Marie-Lou a fait sur Suzanne Boulet et une des installations qui se trouve encore aujourd'hui visitable dans le carré au deuxième étage, comme d'autres installations.